ekoki tolingana kasi lelo tolingani bolingo ya boyo wangani ngai nakoki na miboma pe natika mokili oyo Mikael oyebaka joli joli Mikael bolingo gogo lelo yo nakumbize miya bolingo nga basemakanisi Beatrice go Elisa na kosenga na kolela se tolingana na ye Lelo yo nakumbize miya bolingo nga basemakanisi Beatrice go Elisa na kosenga na kolela se tolingana na ye Mikael, ma belle, et comme il désert, et comme il purgatoire, et comme il enfer, qui bandaille à la moulée. Les loyons n'a combisé mia bolingonga wa se ma canici. Beatrice go Elisa na consengae. Na kolela se tolingana na ye Bolingo Lelo yo nakumbize miya bolingo na lingi na bota Pasi ya susi ezwinga Mama bolingo somo Na ebaka te nazalaka na susi lelo na moni Mama gaga yeah mama mimi na motema zambe Mikaela e mofude nanga na kuyemba na kulela mama ga Yes! Ah, vous délaissez à Nyoka!